Le réveil sonne, il ouvre les yeux, il regarde sa fenêtre, il ouvre les deux. Il rêvait de ci, il rêvait de ça, à cause de la fume, il a des troubles. Irréversible, il enfile ses sables, avant de sortir, il en passe sa mère. Fin de l'été, il lave sa caisse, il reste du sable sur la plage arrière. Le moteur gronde foum foum, quand le tonnerre gronde boum boum. Il appelle son pote, ça dit quoi, hein? Là, ça bigrave le stup, et après, on s'attrape au stud. Il raccroche, il met les voiles, il calcule même plus les taux d'âne. Il reste du shit sur les doigts. Il voit la police dans son quartier, des bolides dans son quartier, posé lunettes quartier. Il jette un œil sur son tarpé, il regarde sans regarder, il rêve de s'en écarter. Fenêtre sur mer, il veut la vue du. Fenêtre sur mer, il veut voir autre chose. Que cette fois, c'est plus la même. Il laisse les fenêtres fermées comme les ceux de sa mère. Hélas, les soucis s'amènent. Son pote se suicide, sa mère. On manque de sous chaque semaine. Il assume toutes ses galères. Le pire, c'est qu'il lui prend goût. Son anxiété lui prend tout. Menotté dans le kangou. Quand il s'agit d'argent, il prend tout. Il rêve d'une vie sans barrière. Il veut rouler, rouler vers la vue sur la mer. Il voit la police dans son quartier, des bolides dans son quartier, posé lunettes quartier. Il jette un œil sur son tarpé, il regarde sans regarder, il rêve de s'en écarter. Fenêtre sur mer, il veut la vue du. Fenêtre sur mer, il veut voir autre chose. Il veut la vue du. Fenêtre sur mer. Fenêtre sur mer, il veut la vue d'une. Fenêtre sur mer, il veut voir autre chose. Il veut la vue d'une. Fenêtre sur mer.